Les sourires et les faux semblants, et quelques gouttes ont suffi à l'élixir pour être mortel, que des caisses noires dans le cortège. Des trois pièces et des longs impairs qui cachent les guitares, des refs aux mitards, les faits divers en hiver. J'ai fait 100 000 avant le mi-père, je m'entraîne à sourire devant la glace, je m'entraîne à souffrir sans remède. La petite maison est en ruine, quand la faim pense, le cœur est en grève. La vie c'est mener les bons choix, l'image vient sans même une esquisse. Dans le dos les chlasses traversent la Redskins, la trahison des gens qu'on estime. J'ai pas vu père fermer les paupières. Tête dans le guidon, c'était le frigo. Une chaîne de vie à se lever aux aurores. J'aurais jamais su comment faire. Non, j'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ceux qu'on enferme. Et quand les yeux se ferment et que tout est noir, quand les mots se perdent, tu veux tuer un homme, prends du sky et des faux espoirs. Et quand les mômes se perdent dans les sinueux couloirs des enfers, on sera de retour 2 minutes avant que les revolvers leur jouent du tonnerre. Ouais, l'orage est parti, où est le soleil? Mon deuil n'est pas fait, où est mon sommeil? J'parle de vraies choses qu'on vit ici, de vraies flammes qu'on a tenues, d'un vrai sang qui s'est versé, de la seule femme qui m'a bercé, de vrais potes qu'on a perdus. Pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles, le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir en terrine. Des gens m'ont trahi, j'ai la nausée. Je dépose un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Énumérer ce que j'y ai laissé, prendre un maximum pour papa, comme si j'allais le faire renaître. Entre les morts comme un dieu grec, tous les bleus que j'ai autour du cœur, tous ces billets froissés dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plomb, mais trop jeune pour vivre tout ça. Des portes salines dans la nuit, des portes flintantes dans la ville. Tu sens à éponger dans la cuisine, des billets qui flottent dans la piscine. Little Italy, Corleone sous Michael, Marie Curie dans la comtesse, là où le ventre est le prompteur. La fin justifie la violence, là où la violence est la réponse, là où la violence est le moteur, là où la violence est le docteur. Vivons cachés, vivons gantés, faisons le tour du monde entier avant qu'une balle nous arrête. J'y vais, L-I-V-S.